Le Nouveau Monde. Nous étions dans la forêt, ou une forêt plus précisément, car Berthold m'avait précisé qu'il en existait des milliers d'autres, et qu'entre les forêts, il y avait des tas d'autres choses. La diversité. Ici, tout était différent. Même si les stalactites de Wish City n'étaient pas semblables, ça restait des stalactites. Ici, même les arbres, comme ils appelaient les grands pylônes, changeaient du tout au tout, jusqu'à la couleur de leur tronc. Berthold nous portait sur son dos, Mila et moi, et nous avancions dans la forêt sur le qui-vive. Ici, il y avait beaucoup de dangers, avait dit Berthold, et les écureuils ne pouvaient pas combattre tous les dangers. Le grand feu réapparaissait peu à peu entre les arbres. Le jour se levait, comme disaient les écureuils. Cela fait de bonnes journées qu'on vous observe. Vous m'intriguez. Imagine ce qu'on pense de vous. C'est exactement la même chose. On arrive à Eol. Eol ? Il va falloir bien vous accrocher à mon cou, d'accord ? D'accord. Mais pourquoi ça ? Nous arrivions au bord d'une grande falaise, juste devant le sommet de milliers d'arbres dansaient lentement de droite à gauche sous un vent chaud. Mais pourquoi on doit... Allez, on est parti. Mais Berthold, non ! Berthold, comme tous les autres écureuils, s'était lancé dans le vide. Nous avons traversé le feuillage d'un arbre pour retomber violemment sur une branche. Et Berthold ne s'arrêta pas là. Il sauta de nouveau sur une branche appartenant à un autre arbre, et ainsi de suite, bondissant, volant presque à une vingtaine de mètres du sol. Waouh ! Berthold ! Tout allait plus vite que n'importe quel chariot de Wish City. Ici, nous n'étions pas sur des rails, rien ne nous reliait au sol. Nous avancions parmi les arbres, et le grand feu distillait ses rayons au travers des feuillages. Les feuilles nous effleuraient, presque coupantes. Le vent, la vitesse, le souffle presque coupé. Berthold s'est arrêté sur une branche un peu plus bas. Bienvenue à Eol. Ici et là, des dizaines d'écureuils sautaient de branche en branche, sortaient de trous dans les arbres, grignotaient des formes rondes et brunes de leurs grandes dents. En contrebas, d'autres créatures étranges, poilues elles aussi, au pelage blanc-gris pour les plus petites, de grandes oreilles surmontant une tête ronde. Et des géants sur quatre fines pattes, aux grands yeux noirs, des bois sortant de leurs crânes. Les rayons du grand feu qui éclairaient leurs silhouettes s'étalaient sur l'herbe humide, traversaient des bosquets. Eol ! Il n'y avait pas de bâtiment, aucun immeuble, aucune maison, aucun moyen de transport, aucun rail. Tout ici était vivant. Et une musique étrange, et belle, aiguë. Des êtres étranges, bipèdes eux aussi, mais dont les bras ne possédaient aucune main. Des êtres semblables à les créatures qui nous avaient attaqués, mais 10 fois plus petits. Ce sont des oiseaux. Berthold répondait à une question que je n'avais même pas posée. Il se doutait de notre curiosité et de notre étonnement. Cela l'amusait presque. Je pouvais discerner un sourire sur son visage. Il descendit le tronc à une vitesse vertigineuse. Nous étions enfin à terre. Tous les autres animaux accueillirent la troupe des écureuils comme des héros. Ils sont revenus ! Ils sont de retour ! Prévenez le conseil ! Mais c'est qui eux ? J'avais vu cette petite chose ! Berthold, tu nous ramènes quoi là ? Nous descendîmes du dos de Berthold. Merci. Merci de nous accueillir. C'est ça, Eol ! Mais c'est même pas une ville ! Toute la forêt semblait s'agiter. Les oiseaux s'envolaient d'un point à un autre. Les écureuils grimpaient sur les arbres, d'autres en descendaient. Certaines créatures sautaient si haut. Tout était si... vivant. Eol est notre chez-nous. Ici, vous serez en sécurité. Aucun prédateur ne vous atteindra ici. 4 petits écureuils, des enfants sûrement, nous rejoignirent intrigués. Vas-y, demande-lui, toi. Mais non, toi, demande-lui. Non, vas-y, toi. Hé, Berthold, c'est quoi, ça? Il nous montra d'une de ses pattes. C'est pas encore. Mais ils vont pas tarder à nous le dire. Ouais, t'es bizarre, toi. Bah, non, c'est toi qui est bizarre. Moi, je suis normal, je suis une bifouiche. Et à tes souhaits. Elle est plus petite que moi, Berthold. Est-ce que c'est un bébé? Je sais pas comment te remercier, Berthold, pour... Attends une seconde, Squeak. Son visage sembla se fermer. Il fronçait les sourcils. Juste une mise au point. Vous n'êtes pas mes invités. Ici, vous êtes mes prisonniers. Bah, fouille.